Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Et salut à tous. Je suis désolée d'avoir coupé sur Led Zeppelin, c'est honteux. Soundgarden et après Led Zeppelin, pour moi c'était un supplice, mais je me suis dit je peux pas non plus empêcher l'émission d'exister. Donc voilà, bonjour, bienvenue dans la boîte à bordel. Une émission un peu spéciale, je me suis un petit peu questionnée il y a quelques temps si j'avais envie de faire un petit truc un peu différent que de présenter un label par rapport à la musique électronique et j'avais envie de faire un truc sur la musique un peu issue des consoles de jeux vidéo, la musique dite chiptune qui est faite à partir des cartes son à l'origine des premières consoles de jeux et ordinateurs, on va dire, Amiga, qui ont permis de faire découvrir, on va dire, peut-être la musique électronique à des enfants qui n'avaient pas forcément l'occasion d'écouter Pierre Schaeffer et autres dans leur petite télévision chez eux. Je pense que c'était un premier pas pour s'arrimer à ce qu'était la musique électronique quand on est enfant. Enfin, ce qui me concerne. Et je me suis dit aussi que il y avait tout un tas de musique actuelle dans les années 2000, etc., d'un revival suite à donc cette influence assez prégnante de ces artistes qui ont vécu donc toute l'émergence de ces consoles de jeux et jeux vidéo PC, etc. Donc je vais vous faire une petite sélection de jeux que moi en tout cas j'avais beaucoup aimé quand j'étais enfant et qui m'ont marqué particulièrement, et également une description des personnages de ces jeux vidéo qui je trouve aussi font écho à un présent où j'avais l'impression que finalement les créateurs de jeux avaient aussi fait passer un message entre guillemets subliminal, comme les contes pour enfants en fin de compte pour donner une espèce de instruction, éducation à des problèmes comme les problèmes environnementaux en l'occurrence. Alors juste pour faire une petite parenthèse sur les consoles de jeux, Nintendo, qui est une console qui a été créée dans les années 83, ce qu'on appelle la NES du moins. Nintendo était l'entreprise au Japon qui a créé la console de Nintendo. À la base, en fait, Nintendo, c'était en fait une société de cartes à jouer qui a été créée à Kyoto en 1889. Et rien à voir, en fait, Nintendo, par la suite, ils ont après pris le pied de la... des jeux d'arcade dans les années 70 qui étaient créés petit à petit en fin de compte ils se sont plongés dans ce marché là en 80 il y a eu un marché des consoles qui s'est effondré bizarrement et parce que il y a eu des micro-ordinateurs qui ont été créés en même temps et finalement la console de jeu c'est Nintendo finalement qui a repris le créneau entre guillemets, parce qu'il y avait d'autres concurrents, mais ils étaient moins importants parce que les consoles étaient moins performantes. Et donc la Famicom, la société finalement, qu'on appelle en Europe et en Occident la NES, la Nintendo Entertainment System, s'appelait donc la Famicom, Family Computer, au Japon, on va dire. Nintendo n'avait pas d'autres concurrents à partir de 86, donc il y a eu la Master System de chez Sega et après donc il y a eu pas mal d'autres consoles qui ont supplanté, il y a eu Après la NES, donc il y a eu la Super Nintendo 87, la Game Boy, la Game Gear de chez Sega, Game Boy de chez Nintendo. 95-2001, la Mega Drive de chez Sega. Après, Sony donc, a créé la PlayStation. En 2001, il y a eu la Game Boy Advance, GameCube. Après, donc, Microsoft a créé la Xbox. Et il y a eu la PS2 aussi, donc la PlayStation 2 de chez Sony. Et en 2006, donc, ils sont revenus dans le game, si on peut dire, avec la Wii. Et en 2017, donc, la Nintendo Switch, qui était donc, une console un peu hybride. Alors juste pour finir un peu sur la Nintendo, parce que bon, je reste un peu sur Nintendo, mais je pourrais aussi parler des autres consoles. Mais ce qui est intéressant avec la Nintendo, c'est que c'est une société qui a eu plusieurs en fait, vagues un petit peu au niveau de... du patronat, on va dire. Au début, c'était une entreprise qui était plutôt ouverte, assez, on va dire, comment dire, intéressée par le bien-être de ses ouvriers, on va dire, de ses employés, on ne sait pas des ouvriers, de ses créateurs de jeux. Et par la suite, c'est vrai que c'est devenu une société qui était hyper rentable. Enfin, qui a cherché beaucoup de rentabilité. Il faut savoir que Nintendo, juste pour info, hein, elle est cotée en bourse, hein, et elle a des capitaux actuels, hein, qui viennent d'Arabie Saoudite, 6%. Et il y a aussi le groupe Vanguard, hein, qui est un fonds d'investissement aux États-Unis, un peu à l'image de BlackRock, qui est un gros fonds d'investissement, hein, qui est donc le jeu vidéo n'est plus ce qu'il a été peut-être au départ, un moyen d'émancipation. Il y a quelque chose à changer aussi dans les messages qu'ont voulu faire passer les concepteurs des jeux vidéo. C'est juste pour finir, hein, donc, sur Nintendo, il y a le patron assez emblématique, Satoshi Iwata, hein, qui est mort en 2015. Bon, certains suspectent qu'il aurait été assassiné, on ne sait pas. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très très très engagé sur le bien-être de ses employés. C'est vrai qu'on peut se questionner sur l'avenir des jeux vidéo. Mais bon, c'est pour ça que je reviens un peu en arrière pour retourner dans cette époque où on découvrait sans, avec un peu d'innocence ces jeux. Et moi, c'est vrai que je voulais juste aussi dire que finalement, c'était des jeux où on pouvait mourir et on avait le droit d'avoir des vies. On pouvait revenir, on pouvait gagner des vies, on pouvait changer de monde, on partait dans d'autres mondes, etc. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on était dans une philosophie bouddhiste. On nous faisait prendre conscience de la vie, de la mort. On nous parlait des guerres, de l'exploration spatiale, de personnages de jeux assez iconiques, etc. Et donc, moi, je vais accentuer aussi donc, sur la musique, qui est souvent des... a été composée par des musiciens à la base qui se sont adaptés donc au minimalisme de ce que pouvaient proposer finalement les cartes son avec les moyens assez réduits en fin de compte. Pour commencer, je vais vous faire une petite sélection de musique. Alors c'est très très court, hein, les musiques de jeux vidéo, et c'est souvent des boucles. Donc c'est vrai que le but est que donc on reste un petit peu dans une espèce de dans le jeu, hein, et donc la musique s'arrête et reprend et on reste comme ça concentré sur le jeu. Donc après c'est vrai qu'il y avait toutes les polémiques sur les écrans, etc. Mais malgré tout, la musique avait quand même un fort impact. Donc on va commencer avec une musique de Robocop. Alors bon, Robocop, le film emblématique du robot policier qui a été financé, qui a été créé grâce à un groupe de militaro-industriels en 1987 par le réalisateur Paul Verhoeven. Hein, c'est connu. Ce personnage donc, a été adapté en jeu vidéo. Donc là, je vais vous passer le titre principal du jeu Robocop qui est sorti en 1993 sur la Nintendo. Le compositeur s'appelle Jeroen Gottfried Tell, et c'est aussi appelé Wave, et c'est un compositeur néerlandais, c'est marrant. Le réalisateur est néerlandais, et le compositeur du jeu aussi. Voilà, alors c'est parti pour Robocop. morceau de la sélection de la boîte à bordel sur les sons un peu issus de consoles de jeux. Et on vient d'écouter le titre, on va dire le main titre, je ne sais pas comment en français, titre principal du jeu Robocop 3 qui était sorti sur Nintendo en 93. Ensuite, on va partir sur Batman. Le défi, c'est Batman Returns. En français, c'est Batman le défi. Et en québécois, je ne sais plus, mais c'est encore autre chose. C'est celui où il y a le pingouin. Voilà. Donc c'est sorti en 93 aussi le jeu, et donc c'est le film qui a été réalisé par Tim Burton. Batman, hein, le justicier masqué, musique du stage one, hein, la place de Gotham City. Donc c'est sorti par Konami, un éditeur de jeux très très connu à l'époque. Et donc le compositeur s'appelle Otsumami Matsuo, et il y en avait un deuxième, Takashi Tateishi. Donc c'est celui qui a composé aussi la musique de Megaman. Voilà, Batman et Gotham Plaza. En théorie. Si. Ah oui, ça c'est. Bon, ça fait un mois que je suis pas venue. Petite perte de réflexe. Que je viens de passer, donc c'était le thème principal, enfin le thème, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, du stage one. Tout à l'heure peut-être je trouverai le mot qui correspond au stage de Batman le défi, le jeu qui est sorti donc sur Nintendo, enfin NES du moins, la NES, parce que Nintendo c'est la société qui a créé entre autres donc la Famicom appelée NES donc en Europe. Et donc voilà, j'avais envie de passer ce petit morceau du justicier masqué. Voilà. Et c'est vrai que quand on n'a pas toute l'histoire de la famille de Batman, c'est vrai qu'en ayant regardé le Joker et qu'on comprend pourquoi finalement le Joker est si méchant, parce qu'en fin de compte c'est le fils caché de le frère de Batman. Voilà, bon, c'est tout. Enfin, c'était juste, j'avais envie de dire ça. On comprend pourquoi les gens deviennent méchants quand la justice commence dès l'enfance, en fin de compte. Alors, il ne faut pas se venger. Alors, Batman lui prend le contre-pied, mais enfin, bon, bref. Passons à autre chose. Alors, c'est en fait un super-héros de la Marvel qui s'appelle Surfeur d'Argent. Qui est un personnage que je connaissais pas, j'ai découvert en écoutant plein de musique en 8 bits, chiptune comme ça. Et donc c'est un personnage qui a été créé en 1966 par Jack Kirby. Donc c'est un humanoïde surfeur d'argent à la peau métallique qui voyage sur une planche de surf dans l'espace. Ouais. Il vit donc ce surfeur d'argent donc sur une autre planète que la Terre. Hein, et en fait, il sauve des planètes en fait, on va dire. Mais à la base, en fait, il était avec un méchant qui s'appelle Galactus, qui est un dévoreur de monde. Et c'est lui qui, d'ailleurs, ce Galactus, qui lui a donné son pouvoir de surfer et la peau métallique. Et un jour, en fait, il découvre la Terre et il rencontre les quatre fantastiques. Et en fait, il va sauver la Terre. Et il va tourner le dos à Galactus, mais il va garder son pouvoir. Alors, c'est un pouvoir qui a été donné par un méchant. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc bref, voilà. Donc je passe le petit morceau de Surfeur d'Argent. Voilà. Pouf. repart encore dans une belle boucle infinie. Donc c'était le thème principal donc de Surfeur d'argent, donc un jeu qui était sorti donc sur NES en 91, et le compositeur, il tombera pas plus bas comme d'habitude, était Geoff Follin. Donc c'est sorti en 90, autant pour moi. Pardon. Le morceau entre guillemets d'après. Alors là, celui-là, je pense que en termes d'heures, je sais pas combien, même de mois, j'ai dû l'entendre puisque j'y ai joué assidûment, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère et par conséquent, j'ai pu avoir une console de jeu, enfin y jouer. Je pense que si j'avais été l'aînée en tant que fille, je pense que j'aurais pas eu la possibilité d'avoir une console de jeu, parce qu'à l'époque, voilà, on était très genrés, comme on dit. Voilà. Donc j'ai heureusement eu la possibilité de découvrir ces moyens d'émancipation et d'évasion pendant l'enfance. Et donc le jeu suivant, donc, c'est les Tortues Ninja. qui est sorti en 93 et donc qui a été édité par Konami aussi. Tortue Ninja, donc Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc en français, on dit les Tortues Ninja, mais en anglais, on précise bien qu'ils sont mutants. Donc il y a quand même un questionnement qu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir en France. Pourquoi elles sont mutantes ? Donc, les personnages donc des Tortues Ninja ont été créés pour l'historique, hein, en 84 par Kevin Eastman et Peter Plaird. En fait, donc les tortues donc ont été exposées à un agent mutagène dans les égouts de New York, ainsi que leur père entre guillemets Splinter, le rat, voilà, qui les a rendus en fait cet agent mutagène, il les a rendus donc anthropomorphiques, donc c'est-à-dire des animaux qui ont l'apparence d'humains, enfin à l'apparence qui parlent, etc. Comme tous les héros des dessins animés qui parlent, ils sont anthropomorphiques. Bon, je connaissais pas bien ça. Cette notion, enfin bon bref, donc il les entraîne au ninjutsu, hein, donc un art martial que Splinter avait acquis, voilà. Et en gros, ils font les justiciers discrets eux aussi, et ils essayent donc de vaincre, entre autres, Shredder, l'espèce de samouraï méchant avec sa bande de ninjas qui ont un petit peu comme la mafia au Japon, voilà. Et aussi il y a Krang, hein. Alors Krang, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un humanoïde, sauf que c'est un extraterrestre, hein, qui vient de la planète Utroms, et donc c'est un extraterrestre qui a extrait son cerveau de son corps et qui l'a mis dans un autre corps. Quand on est enfant, c'est quand même assez surprenant, ce genre de vision, quand on, enfin voilà. Et du coup, ça a aussi apporté le côté donc que les agents mutagènes peuvent provoquer. Bon, bah, si c'est des tortues ninja gentilles, ça va, mais ça peut, enfin voilà, ça peut faire des choses assez bizarroïdes au niveau de l'ADN. Alors ça questionne tout ça. Enfin voilà. Et alors l'autre chose qui est intéressante, c'est que les Tortues Ninja donc ont quatre noms de peintres assez célèbres, donc Raffaello, Michelangelo, Leonardo et Donatello. Ces peintres, il y en a quand même un certain nombre qui sont quand même des homosexuels, hein, je veux le dire, parce que bon, donc il a donné des noms d'artistes homosexuels et qui étaient peintres au Vatican. Voilà. Donc bref, voilà. Et donc Splinter, en fait, était un fan de la peinture de la Renaissance. Il avait un livre et il a donné à ses tortues des noms donc d'artistes de la Renaissance. Voilà, voilà. Et juste pour finir sur les anecdotes des Tortues Ninja, j'avais un cartable en CE2 des Tortues Ninja quand même. Hein. J'ai réussi à avoir un cartable des Tortues Ninja. Ouais. Bon bref, alors je vais vous passer quelques morceaux de Tortues Ninja. Et en l'occurrence, le thème principal de... Alors, c'est le premier, hein, c'est la version 1 de sur la NES, parce qu'il y a eu deux jeux Tortue Ninja. Donc là, c'est le premier, hein. Voilà, c'est trois petits extraits donc, du jeu Tortue Ninja sorti en 93. Donc, le premier morceau, donc, c'est le thème principal. Le deuxième, alors, pour ceux qui jouaient à la Nintendo qui connaissent ce jeu, en fait, on est sous l'eau. Donc, la tortue essaie de naviguer dans un parcours. Et en fait, il y a des barrages où il y a de l'électricité en fait, qui passe dans l'eau. Alors, je ne sais pas comment on fait pour ne pas s'électrocuter complètement. Mais, enfin bon. C'est un jeu. Et le but, c'est d'arriver à la fin. Et si on n'arrive pas à garder tout l'air qu'on a à sa disposition, bah, à la fin, on meurt, quoi. Donc, il faut aller le plus vite possible et garder son calme. Mais c'était, y avait des moments très, très, très stressants. Et en l'occurrence, je vous fais passer les événements hyper stressants. Alors, c'est... voilà. Il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus grand-chose comme air. Et ça, c'est... Le deuxième, voilà. C'est vraiment reste 10 secondes, 5 secondes et pouf, il n'y a plus personne. Voilà, voilà, donc pour les Tortues Ninja, c'était marrant, je trouve, bref. Alors, le jeu d'après sur lequel j'ai aussi pas mal joué, c'est Godzilla, hein, qui est un monstre... Alors, je ne connaissais pas le terme en japonais, on appelle ça les kaiju dans le cinéma japonais, hein, parce qu'il y a le cinéma des monstres. En fait, Godzilla, on devrait appeler ça Gojira. Enfin, le R, c'est plus un L. Et donc, en fait, c'est Godzilla, Gojira. Donc, c'est un reptile préhistorique mutant. Hein. Alors, c'est pas mal. Enfin, c'est sorti c'est après donc, les deux explosions nucléaires qui a eu donc, au Japon de Nagasaki et Hiroshima. Et donc, c'est vrai qu'ils étaient très imprégnés aussi de faire sortir un peu tous ces soucis qu'il y a eu après la radioactivité. Au Japon. Ce monstre hein, en fait il a subi des bombardements atomiques et donc il a muté et en fait il mesurerait entre 300 et 400 mètres de haut et ça serait surtout en fait des bombardements atomiques, ceux-là en tous les cas en ce qui concerne l'histoire de Godzilla, qui auraient eu lieu 20 000 ans après le départ des hommes de la Terre, parce que justement on aurait déclenché une guerre nucléaire. Enfin bon, voilà. Et il y aurait eu aussi un espèce de papillon géant qui s'appelle un Otuas, hybride homme-papillon. Voilà, c'est en gros, c'est une proposition de ce qui nous attendrait dans notre évolution. Voilà. Donc la musique est composée par Masamoto Miyamoto en 88. Donc pour le jeu Godzilla. Alors je vous propose trois morceaux. Bon, c'est très court, hein, c'est des morceaux de 1 minute 10, 1 minute 20, mais juste voilà pour le fun. Voilà, c'était trois extraits de la bande-son du jeu Godzilla, hein, sorti sur la NES en 88. La musique de le dernier morceau, je trouve qu'il faut garder les chants, si on peut dire. Le jeu était sur un fond noir, on avait l'espace au fond, et en fait, il y avait le dinosaure ou le papillon, ça dépend quel personnage on choisissait, qui avançait sur un sol lunaire ou un sol de planète abandonnée, complètement ravagée. Et il y avait une espèce de satellite qui tirait des lasers. Et donc, il y avait Godzilla ou le papillon. Alors, Godzilla qui crachait du feu. Et le papillon, il était un peu dans le même champ. Je crois qu'il crachait du laser, un truc comme ça. Enfin, bref. Mais c'est vrai que la musique plus le jeu, c'est des souvenirs qui forcent un peu à... longtemps après, à revenir dessus en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en fin de compte et nous faire comprendre, pardon, à travers ce jeu. Voilà. Et donc, nous sommes donc toujours dans la boîte à bordel, hein, pour ceux qui débarquent dans l'émission. Et là, je faisais une petite présentation de son issu de consoles de jeux 8 bits chiptune, on va dire. Et par la suite, je vais faire une petite sélection. Là, il reste deux jeux. On va faire une sélection sur les artistes, on va dire, qui se sont inspirés fortement donc, de ces musiques pour créer d'autres sons, on va dire, qui ressemblent étrangement, on va dire. voilà, donc le prochain morceau, le prochain jeu, c'est un jeu qui n'est pas sorti en Europe, qui s'appelle Crisis Force, qui est sorti seulement au Japon. C'est un jeu qui est sorti en 91, et c'est ce qu'on appelle donc les shoot them up, c'est abattez-les tous. Donc c'est un jeu où il faut tuer... tout ce qui bouge, enfin, ou presque, il faudrait réussir à faire la différence quand même. C'est Konami qui a sorti aussi ce jeu. Alors, le but en fait donc, du jeu, c'est des robots qui descendent dans Tokyo dans les années 90 pour les détruire. Donc, le but du jeu en fait, c'est en fait, nous on est dans un avion et le but c'est de shooter ces robots. Donc, c'est des robots qui commencent à péter les plombs en fait. C'est pour rebondir sur l'intelligence artificielle, tout ça. Donc on est en 91 déjà, on se posait ce genre de questions. La bande de son, le compositeur, donc c'est Kenichi Matsubara. Je voulais juste dire, parce que souvent, en fait, c'est beaucoup de compositeurs à la base qui étaient des musiciens d'orgue, en fin de compte, et qui se sont adaptés finalement à la demande de création de bandes sonores de jeux vidéo. Et donc, ça a été une sacrée contrainte pour eux de devoir faire créer ce genre de boucles sonores, etc., avec la contrainte de minimaliste. Donc, pour le prochain, donc, je disais, le morceau s'appelle... le morceau. C'est le thème du moment du jeu s'appelle Ruined Tokyo City 1900XX, on ne sait pas trop. C'est pour dire quoi, c'était chaud quoi, ce moment dans le jeu. Hein. We'll be right back. le morceau issu du jeu Crisis Force, sorti en 91 sur la NES. Alors pour finir, dans les jeux, en général, il y a toujours un morceau d'ouverture. Il y a toujours le morceau où on va tuer le boss, le big boss. Enfin, c'est toujours ponctué, voilà. Donc on sait que ça, c'est la musique pour ça, pour ça. Et puis, donc là, dans ma sélection des sons un peu 8 bits, du coup, je vais mettre un morceau de fin qui s'appelle, enfin, qui est sorti du jeu Shadowgate. Donc, quand on a gagné le jeu, qu'on a, enfin, la partie, on va dire, donc on avait la musique de fin, donc ça ponctuait, donc comme ça, on avait une espèce de récompense du morceau de fin. Avec tous les crédits, qui a participé au jeu, tout ça, enfin, on est toujours content. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti en 89, donc Shadowgate. Alors c'est le but du jeu, alors détruire un sorcier maléfique qui essaie de réveiller dans son château un monstre qui s'appelle Behemoth, qui veut détruire le monde en fait. Le but donc, c'est que nous en fait, on éradique donc cette menace en tuant le monstre et éventuellement le sorcier maléfique. C'est un peu, voilà. Donc thème de fin, le compositeur s'appelle Hiroyuki Matsuno. Voilà. Donc on a tué le méchant et qu'on peut recommencer le jeu indéfiniment puisque voilà, il reviendra toujours. Bon, je vais passer donc à la sélection des petits morceaux d'artistes qui vont composer donc dans cette même veine. On commence par Rush Jett, un Américain d'Atlanta. Todd Nosnoff. Donc il a sorti pas mal d'albums, hein, il est assez prolifique. Donc il a sorti un morceau qui s'appelle Konami Z, hein, en l'occurrence en lien avec les éditeurs de jeux. Sur un album qui s'appelle Sounds of the 2A03. Et ensuite il a sorti deux morceaux sur l'album Out There. Asteroid Run et Fighting for Control. On commence par Konami Z, hein, donc vous retrouverez un peu les sons à la Tortue Ninja, juste pour le clin d'œil. We'll be right back. Rush Jet One, pardon, j'ai oublié de prononcer le 1. C'est donc un artiste qui s'est fortement inspiré donc des chiptunes et qui est plus en mode gaming, on va dire, dans ses constructions de morceaux. Donc là, on avait écouté Fighting for Control et Asteroid Run juste avant sur l'album qui s'appelait Out There en 2007 sorti. Et juste avant, c'était Konami Z qui est sorti en 2005 et donc c'était son premier album, juste sur l'album qui s'appelait Sound of the 2AO3. Voilà, il y a un label qui est assez prolifique aussi en termes d'artistes 8 bits, c'est 8 Bit Peoples, un label qui est sorti en 99 et qui permet de rassembler tous les artistes un peu. Ils font des compilations, il y a pas mal de rassemblements de d'artistes. Après, on peut aller explorer, c'est sympa. Alors, ensuite, je vais vous passer un morceau d'un artiste que j'avais découvert sur la chaîne Viva, une chaîne allemande de musique qui était plutôt quand même orientée électronique dans les années 90, 2000. Et là, c'était sur Vivatsfy, la chaîne un petit peu underground, alternative allemande qui s'appelait de Viva. Et il y avait un artiste qui s'appelait Micron 64, un Allemand qui s'appelle Markus Knoll. Et il a sorti un album en 2000 qui s'appelle Etwas Zeit Zwölf. Je ne sais pas comment on dit pouce en allemand. Enfin, en tout cas, le morceau que j'ai sélectionné s'appelle Ikea, pour faire honneur à Saint-Étienne. Yeah. c'était Mikron Firuntsipsik, si on prononce bien. Ikea, sorti en 2000 sur le label Storage Records, pour ceux qui veulent fouiller. Ensuite, j'avais un autre artiste aussi marrant. Alors lui, il s'appelle Stu. C'est un Suisse, alias Christian Studar. Alors lui, ce qui est marrant, c'est dans sa composition, c'est qu'il s'inspire un peu des jeux genre Mortal Kombat, baston. Et donc c'est assez rigolo aussi, c'est très interprétation. Donc là, Stu, donc le morceau s'appelle Aucre et l'autre Dynamite. Et c'est sorti en 2014. We'll be right back. c'était Dynamite avec Stew. Et juste avant, le morceau AUCR, je dis Aoucre, sorti en 2014. C'était une autre variante de ce qu'on peut faire avec le 8 bits. Et ensuite, je vais vous passer un morceau de Sabre Pulse, qui est une Annette bien aussi connue dans le 8 bits, Ashley Charles. Et qui a sorti un morceau qui s'appelle Astronaute, en l'occurrence, que je vais vous passer sur l'album Turbo City. C'est une auto sortie en 2008. Sabre Pulse avec le morceau Astronaute, sorti en 2008 sur l'album Turbo City. Ensuite, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Fighter F1, comme je sais pas, la Formule 1 peut-être, je sais pas. F1 ou peut-être la touche, ah oui, de l'ordinateur, j'y étais pas. Fighter X alias Nicolas Waltu, c'est un Américain. Alors, il a fait une petite sortie sur Bandcamp d'un album numérique de 84 titres de sélection de 2007 à 2017. Donc, voilà. Et donc, c'était un morceau sorti de cette excellente compilation que j'ai trouvée et que je vous partage. We'll be right back. ça réveille Fighter X avec F1, sorti en 2018, enfin en tout cas dans une de ses sélections multiples. Alors c'est très court hein, les morceaux en 8 bits, donc il y a beaucoup de morceaux à choisir. Et ensuite, on reste encore sur quelques morceaux et je vais vous passer des jeux PC après. dans la boîte à bordel. Donc le morceau d'après, c'est un artiste qui s'appelle Beat Shifter. C'est un artiste anglais qui vient de Brooklyn, New York City. Et donc le morceau s'appelle Particle Charge, sur l'album Information Charge, sorti en 2004. Ensuite, on va aller sur une reprise donc, de La mauvaise réputation de Brassens par un artiste qui s'appelle Sida Beatball. C'est très rigolo. Voilà, la mauvaise réputation par Sida Beatball, qui figure dans un album qui n'est pas du tout en 8 bits, hein, mais il n'y a que lui qui joue ce morceau. Et voilà, un hommage de reprise à Georges Brassens. Ensuite, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Bouya, d'un artiste qui s'appelle FS Freak. Et c'est parti. Produit par FS Freak, oh là là là là. On enchaîne avec un dernier morceau de cette sélection 8 bits, on va dire, parce qu'après ça sera moins 8 bits, puisque ce sera des sons où les jeux de PC ont un peu évolué au niveau qualitatif. un dernier morceau assez construit, je trouve, puisqu'il s'appelle Please Your Construct Act 1, d'un artiste qui s'appelle Null Sleep, qui est aussi très connu dans le milieu, alias Jeremiah Johnson, un Américain, mais beaucoup d'Américains, c'est marrant, qui ont composé des sons à la manière chiptune. Voilà, ça est sorti en 2014 sur un album qui s'appelle Shadow Travel. Thank you. How do you think I feel? Well, you can't think I'm a grenade or a grenade or a grenade. Voilà, vous êtes toujours dans la boîte à bordel hein, et vous venez d'écouter un morceau issu de la sélection chiptune, on va dire musique issue de jeux vidéo et d'artistes inspirés. Et là, on vient d'écouter un Null Sleep avec, en fait, il a fait un featuring avec Starpose, un autre artiste. Le morceau s'appelle Please Your Construct Act 1 sur l'album Shadow Travel sorti en 2014. Une belle petite pépite. Alors là, j'enchaîne un petit peu sur les jeux de PC que j'ai eu la chance aussi de découvrir grâce à mon frère, hein, parce que après la console de jeu, on a eu donc la NES, on a eu la Master System, j'ai joué à la Game Gear. Eh ben, on a eu le PC, voilà, magique. Et donc avec le PC, donc il y avait pas mal de jeux, donc il y avait un magazine qui s'appelait PC Team. Et il y avait pas mal de jeux gratuits où on pouvait découvrir des jeux là-dessus. Et puis bon, petit à petit, il y a eu pas mal de jeux qui se passaient entre copains et tout. Et donc moi, on jouait entre frères et sœurs, quoi. On se faisait la bagarre. Il y avait un jeu qui m'a marqué à fond qui s'appelait One Must Fall, qui est sorti en 1994 chez Epic Mega Games. Et donc la musique de ce jeu, je trouve, est assez délirante. Et alors, pour la petite anecdote, donc le compositeur qui s'appelle Kenny Chou, donc un Américain, a appelé l'éditeur de jeu en disant est-ce que vous cherchez un compositeur pour faire de la musique, parce que bon voilà, je cherche un plan. Et celui donc qui créait le jeu en disant on va avoir besoin, bon bah je prends votre contact, on vous rappellera. Et en attendant, il composait des trucs en disant on va créer un jeu de baston machin. Et voilà, il était sélectionné. Ça, c'était assez dingue. Et donc il expliquait qu'il était vachement inspiré par toute la musique qu'il écoutait à l'époque. Et donc ce jeu qui s'appelle donc One Must Fall 2097. Un jeu où en fait on pilote des robots et on combat dans une arène en fait. Donc il y a des musiques d'ambiance assez trans, assez particulière. Donc voilà, je vous fais écouter trois morceaux. Donc là, le premier c'est le morceau principal. Ensuite, ça s'appelle Fire Pit. Donc c'est une autre arène où on se bastonne, on va dire. Et le dernier morceau s'appelle The Desert, voilà, où on est plus dans une ambiance où il y a du sable et tout ça, quoi. Donc, Power Plant. Ça, je vous préviens, attention les oreilles. Hein. We'll be right back. Voilà, c'était trois petits morceaux sortis du jeu One Must Fall 2097, sorti en 94, hein, quand même, hein, c'est fou. Hein. Et c'était un des premiers jeux de Epic Mega Games, donc ça a été composé par un mec qui s'appelait Kenny Chu, un américain. Voilà. Deux derniers jeux qui m'ont marqué dans l'univers du game, il y a Epic, donc toujours chez Epic Mega Games, Pinball. Il se passe des choses derrière, je ne sais pas, mais on verra tout à l'heure. Et donc là, en fait, Epic Pinball, donc c'était un jeu de flipper. Il y avait des tableaux avec des musiques qui étaient assez prenantes aussi. Voilà, bon, j'ai passé des heures à jouer au flipper sur l'ordinateur. Et donc voilà, une des musiques d'un tableau, je trouvais que c'était rigolo aussi de faire une évocation. Pour dire, voilà, c'est assez marrant ce morceau, voilà, qui s'appelle Crash and Burn sur le jeu Epic Pinball qui est sorti en 93. Les compositeurs, si ça vous intéresse, il y en a qui mémorisent tout, enfin les producteurs, tout machin, chapeau bas. Il s'appelle Robert A. Allen et Joshua Jensen. Alors, dernier jeu qui m'a grave marqué dans l'univers du game, c'est un jeu qui s'appelle Descent. En fait, c'est un jeu où on pilote un chasseur interstellaire, où en fait, on va sur des planètes où il y a des mines qui sont exploitées voilà, pour avoir des minerais, voilà, des... parce qu'on a besoin de minerais encore actuellement pour fabriquer tout un tas de composants électroniques. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1995, c'est Parallax Software, c'est le développeur, et c'est sorti chez Interplay, bon, pour les hyper fans de jeux. Donc en fait, moi je trouve que c'est assez visionnaire hein, quand même qu'en 1995... on suppose qu'on va aller conquérir des planètes pour aller extraire les minerais. Voilà. Donc ça a été composé par Brian Lutietti, Lanny Peacock, Tim Wiles et Jim Torres. Voilà. Donc là, le morceau s'appelle Lunar Scilab. C'était juste parce que j'ai regardé un truc sur Alien Theory, là, c'était trop drôle. Ils disaient qu'en fait, quand ils ont fait à l'unir, entre guillemets, un satellite d'exploitation sur la Lune, enfin une sonde d'exploitation, ils avaient mis un sismomètre pas très loin, et quand la sonde s'est écrasée sur la Lune, apparemment ça a vibré pendant des heures. Donc ils ont conclu que c'était assez bizarre la composition du sol lunaire, quoi. Enfin, y a quelque chose en dessous qui fait que il y a quelque chose de très très étonnant. Et d'ailleurs Von Braun, qui était à l'origine donc de cet alunissage de sondes, avait été aussi étonné. Là donc Descente, un jeu que j'ai adoré, même si c'était un peu compliqué, mais je trouvais que la musique était bien. et la musique. We'll be right back. Voilà, c'était Lunar Skylab, le niveau 2 dans Descente, le jeu qui a marqué les époques aussi par rapport à la qualité du jeu, mais ouais, avec une bande-son complètement dingue. Voilà. Dernier morceau de la sélection, je vais vous présenter, j'avais déjà présenté un morceau de ce Stéphanois que personne ne connaît, Atirop, puisqu'il est l'œuvre capuchonnée. Danger, alias Crystal, que j'avais présenté sur les ondes il y a très très longtemps, et alias Choco, hein, qui est au mixage chez Jarring Effect. Donc le morceau s'appelle 7 minutes 46, parce que tous ces morceaux, en fait, c'est les heures de fin de composition, si j'ai compris, de fin de mixage, enfin de voilà de. Et donc c'était sorti sur un album qui s'appelle 14 septembre 2007. Et je trouve que ça mélange un petit peu toutes les sonorités au niveau de tout ce qui a été passé jusqu'alors à peu près. Voilà. Pour conclure cette sélection où je vais déborder éventuellement. Voilà, c'était Danger avec le morceau 7h46, sorti en 2007. Ça finit, on dirait du Daft Punk, c'est rigolo. Voilà. Alors, il est 22h36, en replay, il n'y a pas d'heure. Donc, je me disais, et si je finissais ma sélection, parce que je n'ai pas tout passé. Et après, je me dis, oh, j'abuse, c'est pas bien, mais il n'y a pas de rediffusion d'émission, c'est que les bandes. Alors, je vais passer le morceau que je voulais vous passer après. C'était un morceau de Quarta 330, un artiste japonais que j'avais passé sur le label Hyperdub, et le morceau là s'appelle Sabako. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, hein, j'ai mal géré mon temps, je suis désolée. Wow. Voilà, c'était Quartet 330 qu'on vient d'entendre sur les micros, enfin sur les antennes de Radio Duo, pardon, parce que j'entends un autre truc et je me demandais ce que c'était, mais enfin, je vais bientôt découvrir. Bref, voilà, c'est dommage de ne pas avoir eu cet instant bonheur. Ensuite, j'avais envie de vous partager un morceau qui s'appelle 01100011001001, enfin bref, de métaprogramme que j'avais présenté sur un label qui s'appelait Occult Research. Et là, il a sorti un album éponyme, Métaprogramme, tout seul, dans son coin. Et c'est aussi original, partagé. We'll be right back. This is Click Hop, commercial free IDM from Soma FM. Voilà, c'était Métaprogramme pour finir cette archi longue sélection où j'ai grave abusé, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais passer sur la nouveauté. Enfin, il y en avait plusieurs, mais du coup, jingle. Encore des alarmes. Donc la nouveauté, enfin allez, c'était Calling Marianne, que j'avais déjà présenté, parce que, ami, prochain épisode, je ferai une émission spéciale Slab Note. J'ai fait ma sélection pratiquement, j'explore un peu plus mes historiques, d'ailleurs on va m'attendre au tournant, ouais, du coup, ouais, bon, bref. Enfin bon, je fais juste une sélection, c'est déjà bien. Mais quand on fait une sélection, c'est marrant parce que quand on s'engage dans un projet, on est critiqué de plein de trucs alors qu'on est plein de bons. Enfin, de. Enfin, bref. Donc, du coup, enfin, plein de bonnes intentions, je l'ai dit. Mais on est cassé. Ah, c'est pas assez bien. Mais personne ne le fait. Alors, du coup, je le fais. Ouais, je suppose. Enfin, j'ai pas entendu. Donc, la nouveauté, disais-je, Calling Marianne. Et qui a sorti un scud. Enfin, c'est un EP, c'est bon, on n'a plus trop d'argent pour faire des albums, j'ai l'impression en ce moment, c'est compliqué. Hein. En tout cas, c'est le florilège de sortie, là, il y en a dans tous les sens. Et les festivals, tout ça, donc il faut produire pour être produit. Et donc là, ça s'appelle Le Premier Jour, et je trouvais que c'était très très beau, voilà. Et, ça méritait une attention. Et comme donc elle faisait partie, enfin elle a sorti un album que j'ai présenté, il s'appelait The Parade, que je trouve supra génial, chez Slabnote. Voilà, bon bref, c'était pour dire que je ferai une sélection Slabnote le mois prochain. Voilà. Alors du coup on va aller sur le lecteur participatif payant. Puisque je n'ai pas d'autre choix. Oh, mais comment je fais mes transitions? Et on va aller explorer Calling Marianne. Voilà. Colin Marianne qui a sorti donc Nope. Oh, c'est méchant ça. Ça c'était Android 80, mais vous n'aurez pas le droit. c'était donc le premier jour, l'album et le titre éponyme, donc sorti le 2 mai dernier. Un autre morceau dans les nouveautés, alors c'est juste pour, parce que je trouve ça hyper drôle. Bon, c'est électro, mais pas vraiment, mais c'est exactement ma vie. Alors je me suis dit pourquoi pas. Astéréotypie, voilà, ils m'ont fait apprendre qu'il y avait, des neurotypiques et puis les pas neurotypiques. Et ils ont des textes assez drôles et je trouve que c'est totalement ça en fait, l'existence. Enfin, en ce qui me concerne. Enfin, ouais. Je rompais à peine de ce jour, mais j'ignore même pourquoi si je ne m'étais jamais éveillée. Oh, si seulement je n'avais pas besoin de faire cavalière seule. Avec une corde à la flèche compétente à l'arc. La preuve est fure pour ma vie. Mon amour, je cours sans abandon. C'est tout ce que je désire et tout ce que j'ai. Fure pour ma vie. Fure pour ma vie. Fure pour ma vie. Fure pour ma vie. Je serai juste derrière mon âme seule. Pour cette vie, il y a une étincelle au fond de mon espérance, et j'ai juré de ne jamais perdre mon sang de froideur, sans panique et sans pitié. Alors que je marche à travers les dunes de neige et des flammes des terres de soleil, les vents du dansent. Tipeee avec le morceau « Fuir pour ma vie », sorti là au mois de mai. Voilà. Donc, pour finir, normalement, donc il y a le qu'est-ce que c'est, et j'ai fini. Et juste pour finir, parce que bon, voilà. Hop là, oh là là, comme c'est beau, c'est bien fait. Va falloir que je m'achète un contrôleur, ça sera plus joli, hein, parce que la souris, je commence à devenir très précaire. Enfin bref. Donc juste pour finir donc cette émission, je voulais vous faire part de quelques sorties originales. Donc juste bon, Saint-Étienne, Lyon. C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de choses sur Lyon qui m'intéressent. Sur Saint-Étienne, je trouve pas trop, mais bon, il va y avoir des choses, je sais. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des bars qui ont fermé suite à des décisions administratives à la Croix-Rousse. Et il y a une soirée de soutien le jeudi 11 mai à 18h30 au CCO Villeurbanne. Donc une soirée de soutien pour les... ceux qui tiennent donc ces lieux pour payer les factures, etc. Parce que bon bah du coup tout court encore et malheureusement ça ne fait que accentuer le problème. Donc si vous avez envie d'aller jeter un œil, il y aura plusieurs groupes. Donc il y aura Ali et Mourad Musset de la rue Kétanou. The Despant, un groupe punk 80s. Eric Le Rouge. Balkan Brass Jam Band. Et il y a Omar et mon accordéon. Bon, enfin, Rough and Tough Sound. Magi. Et voilà. Bon, si, voilà, c'est toujours bien de faire des soirées qui ont une utilité encore plus. Le 12 mai, le lendemain, au Club Transbo, il y a les fougues de Gabber, de Von Bicrave, Paul Seul, Amour Océan et DJ Énervé qui font une soirée à 23h30. Voilà, si vous avez envie. Donc le 17-22 mai, les nuits sonores, avec plein de petites soirées. Enfin, il y a plein d'événements gratuits quand même, malgré tout, les après-midi. Et le vendredi, il y a Dubmaster qui se produit gratuitement. Enfin, c'est au sucre, il y a pas mal de soirées. Voilà. Le 21 mai, j'ai noté à 14h30 qu'il y a la sieste des nuits sonores, qui est assez marrante, où il y a des musiques assez ambiantes. Et voilà pour ce mois de mai où il se passera des choses plus sur Lyon. J'ai pas trop bien essayé de chercher sur Saint-Étienne parce que bon voilà, j'avais pas trop le temps, on va dire. Non, c'est pas vrai, j'ai pas cherché. Allez, pour finir dans la rubrique qu'est-ce que c'est, mais on va éviter de mettre le jingle. On termine avec un morceau d'un artiste qui s'appelle Corps, comme un corps humain, CORPS. Et le morceau s'appelle Sur l'autoroute. Et je finis la sélection là-dessus. Et je vous souhaite un bon mois de mai. Bon courage encore pour tout ce qui se passe. Un non n'est toujours pas un oui. Hein, finalement, avec tout ce qui se passe dans les soirées, tenez bon. Là, le festival est ouvert. Voilà, essayez de vous protéger mutuellement. Les gens bienveillants. Et faisons que les gens malveillants finissent par comprendre qu'ils n'ont pas leur place en soirée et que c'est dommage parce qu'ils cassent un peu l'ambiance. C'est dommage. Voilà. On n'a pas beaucoup de lieux d'expression. Alors si en plus il y a des imbéciles qui trouvent le moyen de casser tout ces groupes qui ont envie de faire des choses bien, voilà. Encore un. Enfin bref, bon, courage. Et bonne soirée, bonne nuit. Allons sur l'autoroute. Non, je n'irai plus au bal. Je préfère marcher sur l'autoroute. Non, je ne veux plus baiser. Je préfère marcher sur l'autoroute. Non, je ne ferai plus le mal. Je préfère marcher sur l'autoroute. Non, je ne veux plus jamais aimer. Je préfère marcher sur l'autoroute. J'ai posé mes joues sur l'asphalte dans un dernier baiser. Libre comme le corail dans un panier percé. J'ai posé mes joues sur l'asphalte dans un dernier baiser. Libre comme le corail dans un panier percé. J'ai marché. J'ai marché sur l'autoroute. J'ai suivi la lumière. Sur l'autoroute, tout prénom sur ma marcher. Embrasser les sirènes, onduler comme la tôle. Carcasse brisée dans la plaine, toi sur mes épaules. Embrasser les sirènes, onduler comme la tôle. Carcasse brisée dans la plaine, toi sur mes épaules. Carcasse brisée dans la plaine, toi sur mes épaules. Carcasse brisée dans la plaine, toi sur mes épaules.